Le puits. Le puits le plus profond du pays est certainement celui qui se trouve dans nos bois, au carrefour du bon Dieu de pitié. Ce qui porte à le croire est qu'un homme du village nommé Pierre Fallot, y ayant descendu un jour pour le curé, le raconta sous serment, ou le diable l'emporte, qu'après avoir fait remonter par la manivelle plus de 100 paniers d'immondices, il trouva au fond une pierre plate couvrant toute la rondeur du puits et sur laquelle de sa pioche il donna plusieurs grands coups. Or, la pierre rendit un son épouvantable, ni plus ni moins que si l'on eût frappé d'un maillet quelques tonneaux vides de plus de 272 hectolitres. Le bonhomme en fut terrifié, surtout quand, aussitôt après, il entendit une voix de femme venant de dessous la pierre et qui disait « Ohé, voisine, ohé, Perrette, venez tôt ramasser votre linge, voici la pluie qui approche. J'entends déjà le tonnerre. » Mes amis, il faut le croire. Le fond de ce puits est proche des antipodes. Qui de vous voudrait aller de ce côté de la terre en prenant ce chemin qui gagnerait une bonne lieue? Celui-là au danger qu'on sent, qui trop haut monte ou bas descend.